نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، on continue donc إن شاء الله la série de cours en guise d'explication du livre de Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى, la description de la prière du prophète عليه الصلاة والسلام, du تكبير au تسليم, comme si tu la voyais. C'est une explication donc faite par le noble Cheikh Mohamed ibn Omar ibn Salim Bazmoul, hafidahullah ta'ala. Et on était arrivé au chapitre de la prière sur un bateau, as-salatu fi safina. Hein? Ça, c'est le chapitre qu'on va voir aujourd'hui. Et le dernier, pour vous rappeler, c'était salatu al-maridi jalisan. On avait vu quelques ahkam concernant la prière du malade et le fait de prier assis, etc. D'accord? Donc on commence directement. Et le Cheikh donc Al-Albani rahimahullah dit as-salatu fi safina, la prière en bateau. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. ولما أسن عليه الصلاة والسلام وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. Donc il, c'est-à-dire qui a été questionné ici, qu'on dit سئل, le prophète عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح. Le prophète عليه الصلاة والسلام fut questionné à propos de la prière en bateau. Il dit, prie-y debout, à moins que tu n'aies peur de te noyer. Cheikh Al-Albani continue, rahimahullah, en disant, lorsqu'il prit de l'âge, c'est-à-dire qui? Le prophète, alayhi salatu wassalam, est vieilli, il s'appuyait sur un bâton dans son lieu de prière. Alors, avant de passer à l'explication sur Bazmoul, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose. Tu as le livre en français, hein? Et si tu regardes le chapitre, regarde qu'est-ce qui est mis. À la fin, ils disent qu'il s'est appuyé sur un pilier de son lieu de prière. Il faudrait qu'une fois, Inch'Allah, je prenne contact avec le frère Yaqub Lenin, qui est un très bon traducteur, pour lui demander comment est-ce qu'il a compris c'est un pilier. Parce que quand j'ai regardé dans Shurah al-Hadith, j'ai vu que c'était « umudan » ou « oudan », c'est-à-dire un bâton. Hein? Et je n'ai pas trouvé une manière de traduire ça de cette manière-là. « Ala kulli hal », si je pourrais attirer votre attention, je le contacterai, Inch'Allah, pour voir en fait quelle est la raison pour laquelle il a traduit ça par un pilier. Parce que quand vous regardez dans le texte en arabe ici, وَلَمَّا أَسَنَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبُرَ اتَّخَذَ عُمُودًا فِي مُصَلَّهِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. Je ne sais pas, peut-être que des frères l'avaient déjà remarqué. Donc Cheikh Bazmoul commente ce passage-là et il dit هَذَا الْفَصْلُ تَضَمَّنَا حكمين. الحكم الأول أن المصلي إذا صلى على مركب متحرك فيجوز له أن يصلي عليه، سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، وسواء كان المركب سيارة أو سفينة في البحر أو على طائرة في الجو. فإن قدر على القيام صلى قائما، فإن لم يقدر خشي على نفسه صلى قاعدا. صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. Donc Cheikh Bazmoul, hafidahullah ta'ala, il explique ce passage, il dit, il commente ce passage de Cheikh Al-Albani, il dit, ce chapitre comprend deux jugements. Donc ce chapitre comprend deux jugements. Le premier, celui qui prie, s'il prie sur une monture, ou un véhicule, évidemment quand on parle véhicule, on veut dire sur un véhicule ou un véhicule, ça dépend du véhicule sur lequel vous êtes évidemment. Donc celui qui prie, s'il prie sur une monture, ou un véhicule qui bouge, il lui est autorisé de prier au-dessus de cette monture ou dans ce véhicule. D'accord ? Que ce soit pour une prière obligatoire ou surrogatoire. Hein ? Que le véhicule soit une voiture ou un bateau sur la mer ou un véhicule, comme on a dit quoi, dans un avion, dans les airs. S'il est capable de prier debout, il prie debout. S'il n'est pas capable ou qu'il ait peur pour lui-même, eh bien à ce moment-là, il prie assis. Comme on a vu dans le hadith qu'on a cité, prie-y debout à moins que tu n'aies peur de te noyer. D'accord ? Et Cheikh, il continue en disant, pour les frères qui ont le livre, c'est la page suivante, page 146, il dit وجو كل مكان يتبعه فجو الأرض يتبع الأرض وجو البحر يتبع البحر فإذا جازت الصلاة على البحر جازت في جوه وإذا جازت الصلاة على الأرض وعلى الدابة عليها جازت في جوها. Et avant de passer au deuxième jugement, on va terminer la traduction de ce premier jugement là. Il rapporte une règle ici. Il dit, حفظه الله تعالى, les airs d'un endroit, c'est-à-dire جو المكان. Vous avez la terre. Vous avez un véhicule et vous avez les airs qui sont au-dessus, c'est-à-dire littéralement l'air, comme on peut le comprendre pour les frères qui ont un peu l'arabe, el jaw. Il va expliquer ça, ça va être plus clair, inshallah. Il dit jaw al makan, c'est-à-dire l'air, et les airs d'un endroit suivent l'endroit dans son jugement. Il explique cela en disant les airs au-dessus de la terre donc suivent donc la terre dans son jugement, et les airs de la mer suivent la mer dans son jugement. On parle de la mer évidemment ici, l'océan. Dit donc, si la prière donc est valable sur la mer, elle l'est également dans ses airs, c'est-à-dire les airs qui sont au-dessus de la mer. Et si la prière est valable sur terre et sur une monture qui est sur la terre, elle l'est également dans les airs au-dessus de cette terre. Ça doit paraître un peu étrange pour des frères qui n'ont pas fait de fiqh. Et Allah alim, c'est ma compréhension, je ne sais pas, on peut toujours poser la question du shir, mais je pense qu'il attire l'attention sur le fait que certains... disent qu'il n'est pas autorisé de prier dans l'avion parce qu'elle n'a pas de contact avec la terre, par exemple. D'accord ? Alors, Al-Kulihal, il a donné une règle ici, on l'a traduit comme elle est. Et le cheikh continue, il dit, donc, deuxième jugement, الحكم الثاني أنه يجوز للمصلي أن يتخذ عودا أو عصا يعتمد عليها لتعب أو مرض أو كبر سن. ولخص المصنف أحكام هذا الفصل فقال في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر تلخيص الشيخ رحمه الله. À la coulée hal, donc on a dit quoi? On a dit le deuxième jugement tiré de ce chapitre, c'est qu'il est autorisé à celui qui prie de s'appuyer sur un bâton. Et encore ça va dans le sens de ce que j'ai traduit moi par bâton, pour prier en raison de la fatigue ou d'une maladie, ou comme il a dit Cheikh, c'est-à-dire que quelqu'un qui a pris de l'âge ou en situation de vieillesse, il dit donc qu'il est autorisé pour lui de quoi? De prier et de s'appuyer sur un bâton âme. D'accord? Et Cheikh, comme on l'avait fait dans le chapitre précédent, il dit quoi? Il dit que Cheikh l'Albani lui-même a fait un résumé dans quel livre? Dans son, voilà, c'est ça, il appelait Talkhis. Talkhis, c'est quoi? C'est que Cheikh l'Albani, on avait dit qu'il avait écrit Sifat Salah en un tome, celui que vous avez entre les mains en français, que je vois devant moi ici, et puis il a écrit la version complète en trois tomes, et il y a aussi la version qui est la version résumée qu'il appelait Talkhis Sifat Salah Nabi alayhi salatu wassalam. D'accord? Et donc Cheikh l'Albani lui-même fait le résumé, le sommaire de ce chapitre-là. Il rapporte les différents points qu'on tire de ce chapitre. Donc ça, c'est à noter quand même, inshallah. Cheikh donc al-Albani rahimahullah, يقول شيخ الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في السفينة والطائرة. Donc déjà vous avez un titre là. الصلاة في السفينة والطائرة. Je traduirai après, inshallah. أولا وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة. الأمر الثاني وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط ويجوز ثالثا ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه. انتهى كلام شيخ الألباني رحمه الله تعالى. Donc ça, je vais quand même vous demander de noter, c'est le résumé que Cheikh Al-Albani lui-même fait, rahimahullah, et il donne un titre, il dit la prière sur un bateau et dans un avion. Alors il dit, premier point, la prière farida, on avait expliqué qu'est-ce que c'était que la prière farida, on avait dit que c'était une des cinq prières quotidiennes obligatoires, est autorisée sur un bateau ainsi que dans un avion. Hein? Ainsi que dans un avion. Donc premier point, la prière farida est autorisée sur un bateau ainsi que dans un avion. Deuxième point à tirer de ce chapitre en guise de résumé ou de sommaire, c'est qu'il est autorisé d'y prier, hein, et quand on dit d'y prier, c'est-à-dire quoi, comme il y a des chers ici, il parle du bateau, de l'avion, hein, et qu'il est autorisé d'y prier assis si on a peur de tomber. Troisième point tiré de ce chapitre, il est autorisé de s'appuyer sur un bâton en position debout en raison de la vieillesse ou de la faiblesse du corps. Je répète le dernier. Donc le troisième point, il est autorisé de s'appuyer sur un bâton en quelle position ? Position debout, na'am. En raison de la vieillesse ou de la faiblesse du corps. Hein, comme l'a dit Cheikh, les kibari sinnihi ou da'fi badani. Je vous laisse terminer de noter parce qu'on passe directement à un nouveau chapitre. Vous avez fini ? Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah continue, il dit al-qiyam wal-qu'ud fi salat al-layl. Al-qiyam wal-qu'ud fi salat al-layl. On traduit ça par la position debout et assise dans la prière nocturne, c'est-à-dire la prière, hein, de la nuit, salatul layl. Wa kana alayhi salatu wassalam yusalli laylan tawilan qa'ima wa laylan tawilan qa'ida. وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن عليه الصلاة والسلام وذلك قبل وفاته بعام وكان يجلس متربعا. Et on va expliquer après inchallah c'est quoi as-subha, parce que si tu peux vérifier dans la traduction que tu as, je pense pas qu'ils ont traduit le mot subha, hein, ils l'ont laissé comme ça en arabe, si j'ai vu en phonétique, hein, as-subha, d'accord, on expliquera c'est quoi as-subha, hein. Il n'est pas traduit. Hein? On traduit d'abord le passage de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il, c'est-à-dire qui ? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, priait longuement debout la nuit. Donc il priait alayhi sallallahu alayhi wa sallam longuement debout la nuit. Hein? Et il priait alayhi sallallahu alayhi wa sallam aussi longuement assis la nuit. Et s'il récitait debout, il s'inclinait debout et il récitait. Mais s'il récitait assis, il s'inclinait assis. Hein? Quand on parle d'inclinaison, évidemment en arabe, c'est ruku', hein? C'est ça qu'on veut dire ici par inclinaison. Il priait, alayhi salatu wassalam, parfois assis. Il récitait alors en étant assis. Hein? Et lorsqu'il ne lui est resté, plus de sa lecture qu'environ 30 ou 40 versets, il se levait, alayhi salatu wassalam, et il les récitait debout, puis s'inclinait et se prosternait et faisait ensuite dans la deuxième unité de prière, ce qu'on appelle une raka'a, hein, ce qu'il faisait dans la première. D'accord ? On va expliquer tout ça après, inshallah. Et il a prié, alayhi salatu wassalam, la subha. As-subha. Alors si vous regardez dans An-Nihaya de Ibn al-Athir fi Gharib al-Hadith wal-Athar, c'est un livre que je vous ai déjà, dont on a déjà parlé entre nous ici, ensemble, c'est un livre que je vous ai dit qu'Ibn al-Athir a écrit. Il a fait en fait le vocabulaire de certains mots dans certains hadiths ou athars. Et il explique, Ibn al-Athir, rahimahullah, dans, à la page 43 de l'édition que je vous ai conseillée, c'est l'édition d'Ibn al-Jawzi, hein, il a dit « As-subha, c'est un nafila hein, ». Et une explication très intéressante pour laquelle, selon laquelle il est arrivé au fait que c'est un nafila. Alors que les halons, on ne la lit pas ensemble. Vous pouvez retourner, si vous l'avez, inshallah, page 43 aux éditions Ibn al-Jawzi. Donc ce qu'ils vont comprendre, et il a pris « subha », c'est-à-dire quoi ?« Un nafila hein, ». Assis à la fin de sa vie, lorsqu'il prit de l'âge, et cela un an avant sa mort, alayhi salatu wassalam, et il termine Shirl al-Bani en disant, et il s'asseyait en tailleur, hein, ce qu'on appelle en arabe, hein, mutarabbi'an, hein, et c'est exactement la position dans laquelle je suis pour le moment, et on va voir ça après, inshallah, hein, vous connaissez là en français la position en tailleur, hein, on va expliquer ce que c'est en détail après, inshallah. Donc, Shirl Bezmoul, hafidahullah ta'ala, il commente ce passage et il dit, تضمن هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله بيان أو بيان سنن الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقته وطريقته وهديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وفيه المسائل التالية. Donc Cheikh Bezmoul, il commente ce passage et il dit, حفظه الله تعالى, il dit, ce chapitre de l'auteur comprend la mise en évidence des sunnans du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et sunnan c'est le pluriel de sunnah, hein, et sa voix et sa manière de prier la prière nocturne. Ceci comprend les points suivants, et puis Cheikh va citer quelques points. D'accord, on les fait un par un. Inch'Allah. Il dit, Al-mas'alatul oula, al-thabitu anir rasuli sallallahu alayhi wa sallam, annahu salla salat al-layli ala thalatati ahwalin. Thalatati ahwalin. Je les lis d'abord en arabe, et puis on le lit en français, inshallah. Al-halatu al-oula, annahu kana yusalliha qa'iman min awwali as-salati ila akhiriha. Al-halatu al-thaniya, kana yabda'u as-salata qa'idan fa yaqra'u min julusin fa idha ma baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu min 30 aw 40 ayah waqafa wa qara'a baqiya al-ayati thumma raka'a min qiyamihi wa adda baqiya as-salati bi hadhihi as-sifah. Al-halatu al-thalitha, أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الليل عن قعود وكان يجلس فيقرأ القرآن ثم يكبر عن جلوس ثم يركع عن جلوس ثم يرفع عن جلوس ثم يسجد عليه الصلاة والسلام فيصلي جميع الصلاة عن قعود وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين صلاة النافلة عن قيام أو قعود. Ouais, ça, on avait déjà vu dans le dernier cours, c'est que dans la prière surrogatoire, on nous a laissé, le professeur Hassan nous a laissé le choix de prier assis ou debout. On avait déjà discuté de ça. وَمَنْ صَلَّ جَالِسًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَلَاتِهِ قَائِمًا وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ صَلَاتُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِ الْقَائِمِ. On va s'arrêter là et après on continuera ensemble, Inch'Allah. On va déjà traduire ça. Donc Cheikh nous dit le premier hein, des points qu'on tire de ce chapitre, c'est quoi ? Eh bien, ce qui était rapporté de manière authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi ? C'est qu'il priait la prière nocturne de trois manières. Ben déjà, moi je prends ça déjà comme une nasiha. Déjà, c'est qu'on doit se remettre en question vis-à-vis de la prière nocturne. Hein ? Ça, c'est la première chose qui doit nous arriver à l'esprit. Hein ? Et puis ensuite, on doit apprendre comment faire cette prière nocturne. Et il dit, ce qui a été rapporté de manière authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a prié la prière nocturne de trois manières. La première, c'est qu'il l'a prié debout, du début à la fin. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il restait en qiyam du début à la fin de la prière nocturne. Ça, c'est la première, d'accord ? Hein ? Deuxième manière, c'est qu'il l'a commencé assis. Il l'a commencé assis. Et on va voir comment il faut s'asseoir après, Inch'Allah. Et on va discuter de ce point-là. D'accord ? Il l'a commencé assis jusqu'à ce qu'il ne reste plus de sa lecture qu'à peu près 30 à 40 versets. Il se levait et terminait sa récitation, puis s'inclinait, faisait recours, comment ? Debout. Hein ? Ce qu'on avait vu, quand même une différence quand on fait recours au sujoud assis ou debout. Vous vous souvenez le dernier cours ? D'accord ? Hein ? Donc je répète ce point-là. Premier point. Il l'a prié debout du début à la fin. D'accord ? Deuxième manière, il l'a commencé assis jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de sa lecture que 30 ou 40 versets. Et il se levait, alayhi salatu wassalam, et ensuite terminait sa récitation, puis faisait le ruku' debout, il s'inclinait debout. Et terminait la prière de la même manière. D'accord ? Troisième manière de prier la prière nocturne du prophète, il priait sa prière nocturne assis. Donc déjà, on peut déjà se faire un résumé en tête, c'est quoi ? C'est qu'il y a une prière, il la priait debout complètement, une autre prière, il la priait en commençant assis, et puis en se mettant debout, et ensuite il faisait la même dans la deuxième raka'a, par exemple, que ce qu'il faisait pour la première raka'a. Et la troisième manière, c'est quoi ? C'est complètement assis. C'est que la prière, il la priait complètement assis, alayhi salatu wassalam. Donc pour le troisième, je continue. Il priait sa prière nocturne assis. Il récitait le Coran, puis faisait le takbir assis. Puis s'inclinait en étant assis. Puisqu'on a dit qu'il restait assis le long de la prière, dans toute la prière, d'accord ? Puis se prosternait. Il priait donc toute sa prière en étant assis. Alayhi salatu wassalam. D'accord ? Et il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé le choix de prier assis ou debout, la prière surrogatoire. On avait déjà vu ce point-là la dernière fois, d'accord ? Dans le dernier cours. Et que celui qui prie assis, mais attention avec une condition, en étant capable de se tenir debout, a la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et maintenant celui qui n'est pas capable, c'est quoi son hukm ? Qui sait me rappeler ? Naam, barakallahu fik. Et sa récompense est et complète. On avait déjà discuté de ce point-là. Nous avons déjà vu précédemment le hadith dans lequel est dit la prière de celui qui prie assis et la moitié de celui qui prie debout. D'accord ? Alors, Cheikh fait une remarque, il dit « Tanbihun, hada al-hukmu wa huwa kouni salati al-qa'idi ala nusfi min salatihi qa'iman fi al-nafli idha kana qadiran ala al-qiyam wa la mani'a yamna'uhu. » On a vu la différence entre le fait d'avoir le qudra et ce qu'on appelle quoi ? Qui n'est pas un mani'. C'est quoi ? Que quand on a la qudra, c'est qu'on a la capacité. Et qu'il n'y ait pas de mani', c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous empêche d'être debout. Et il dit, Cheikh, la yashmalu rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Bal salatu alayhi sallallahu alayhi wa sallam qa'idan kamila. Wa laysat ala nisf. Qala fi fath al-bari, عند شرح الحديث عن عمران بن الحصين رضي الله عنه مرفوعا من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما on avait déjà vu ce hadith وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد قال ابن حجر رحمه الله قوله ومن صلى قاعدا يستثنى من عمومه النبي عليه الصلاة والسلام فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضع يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله فأخبرته فقال أجل ولكني لست كأحد منكم والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Bezmoul dans ce point ? Il dit, ce jugement, qui est le jugement de quoi ? De celui qui prie assis, à la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Quelle prière ? La prière surrogatoire ou la prière... On parle de quoi ici ? Surrogatoire. S'il a la capacité, vous avez la condition, s'il a la capacité de se tenir debout, et si rien ne l'en empêche, Et ça, c'est très très important ici. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne rentre pas dans son jugement. Sa prière en étant assis alayhi wa sallam est complète. Et n'est pas de moitié en récompense. Ça, c'est important de comprendre ça ici. Dans Fath al-Bari, lors de l'explication du hadith, qui est le hadith de quoi dit Imran ibn al-Hussein, qu'on avait déjà vu, qui rapporte du prophète alayhi wa sallam, celui qui prie debout, c'est mieux. Vous vous souvenez de cette riwaya-là ? Et celui qui prie assis a la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et celui qui prie couché dans une riwaya allongée, de notre version du hadith allongée, en français vous n'allez pas vraiment voir la différence, à la kulli hal, a la moitié de la récompense de celui qui prie assis. Naam. Ibn Hazar al-Asqalani, qui est l'auteur de quel livre ? Fath al-Bari, qui est l'explication de Sahih al-Bukhari, il dit, rahimahullah, sa parole, celui qui prie assis, ce hadith est général. C'est juste ou pas? Hein? D'accord? À l'exception du prophète, alayhi salatu wasalam. Yustathna minhu, yustathna min umumihi, comme il dit exactement, yustathna minhu, c'est-à-dire que, hein, une restriction faite à cette généralité, hein, c'est par rapport à qui? Au prophète, alayhi salatu wasalam. D'accord? Ce hadith est général à l'exception du prophète, alayhi salatu wasalam, car sa prière en étant assis n'est pas moindre en récompense. Hein? De sa prière en étant debout. En raison du hadith d'Abdullah ibn Amr, il dit, radiallahu anhu, j'ai entendu, j'étais informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de celui qui prie assis est de moitié, ce qu'il faut comprendre en récompense. Je me suis rendu chez lui, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je le trouvais en train de prier assis. Je plaçais alors ma main sur ma tête. Hein? D'accord? Et ça, c'est une riwaya. La riwaya qui dit Cheikh Bazmoul ici, il dit quoi? Il plaça ma main sur ma tête. Hein? D'accord? Dans la autre riwaya, comme dit Cheikh Mohamed ibn Adam l'Ethiopie dans Sharh Sunan Nasa'i, c'est quoi? C'est que je plaçais ma main sur ma tête. D'accord? Pour les frères qui ont la version en arabe ici, vous voyez, c'est clair. Fawada'a yadi ala ra'si. Hein? Dans autre riwaya, fawada'atu yadi ala ra'si. Il dit donc, je plaçais ma main alors sur ma tête et dit, il dit, alayhi salatu wasalam, qu'as-tu, ô Abdullah? Hein? Je l'informais alors. Il dit, ajal. Et on va faire un petit cours sur le mot ajal, juste sur le mot ajal. Il dit, certes, mais je ne suis pas comme vous. Hein? Et c'est un hadith qui est rapporté par un musulman, hein? Et Abu Dawoud et An-Nasa'i. Alors, alhamdoulilah, j'ai reçu cette semaine d'Égypte l'édition que j'ai cherchée depuis longtemps de Sharh Sunan al-Nasa'i de Cheikh l'Éthiopie en 22 volumes. Hein, donc on va se faire plaisir de temps en temps, inshallah. Et Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, dans son magnifique ouvrage qui s'appelle Dakhiratul Uqba fi Sharh al-Mujtaba, qui est son explication de Sunan al-Nasa'i, il dit volume 17-18, page 360, édition Ali Burroum, il dit Ajal. Quand on dit en arabe Ajal, hein, Ajal, il dit. Ibn al-Mandour a dit dans l'Isa al-Arab, Ibn al-Mandour, il a écrit un livre que je vous recommande vivement d'avoir à la maison. C'est un livre en 20 tomes, hein, qui s'appelle Lisan al-Arab. Lisan al-Arab. Et Inch'Allah, vous pouvez le trouver à un prix assez, Inch'Allah, modeste. En général, il n'est pas très cher ce livre. Et c'est un très très très bon livre à avoir. C'est un dictionnaire dans la langue arabe. Fait en langue arabe. Donc fait en langue arabe. C'est-à-dire qu'Ibn al-Mandour, rahimahullah, quand il donne un mot en arabe, eh bien, il t'explique en arabe. Ce n'est pas les dictionnaires dont vous avez peut-être l'habitude, comme Abdel Nour, etc. Hein, ou c'est simplement traduction. Ici, il te donne l'origine du mot, hein, etc. Yani, il parle, il explique en langue arabe, en fait, hein, le sens de ce mot-là dans la langue arabe, justement. D'accord? Et c'est un livre très, très, très important à voir et que les ulama citent souvent. À la Koulahal, il dit, donc, Cheikh l'Ethiopie, il cite qui? Ibn al-Mandour, retenez ce nom-là. Ibn al-Mandour, dans son lisan arabe. Ajal, avec deux fatha, bi fathatayni. Comme Na'am, hein? Na'am, Ajal, hein? Avec deux fatha. Et il dit, Ajal, c'est répondre comme en répondant par Na'am. Vous allez voir qu'après, il y a une petite différence quand même. D'accord, hein? Et Al-Akhfash a dit, rahimahullah, sauf que Ajal, donc vous voyez là, hein? Sauf que Ajal est mieux que Na'am dans la confirmation, la corroboration d'un fait. Tasdiq al-khabar, comme on dit. Il va donner Cheikh un exemple. Et na'am est mieux que ajal dans ce qu'on appelle al-istifham. C'est quoi l'istifham pour les frères qui ont fait un peu langue arabe? Al-istifham? Hein? Al-istifham. Interrogation, barakallahu fik. Interrogation. Hein? L'interrogation. Donc, si tu dis par exemple, anta sawfa tadhhabu, qu'est-ce que ça veut dire en langue arabe? Qui sait traduire? Traduction précise. Vous vous jetez à l'eau, hein? Je peux répéter? Vous pouvez répéter la question. Anta sawfa tadhhabu. Anta sawfa tadhhabu. C'est vraiment très basique, là. Je commence à un peu avoir peur, là. Hein? Non, j'ai dit anta sawfa tadhhabu. Tu vas partir. Ah, voilà que l'eau, c'est comme vous me rassurez, là. Hein? Sawfa, c'est pour le futur. C'est pour ça que j'ai dit précise. Hein? C'est le futur proche ou lointain? Sauf à c'est proche. Ça dépend. Ça dépend le kabaïl ou quoi, ça va rentrer dans le khilaf. Hein? S'il y en a. Hein? C'est-à-dire, tu vas partir dans le futur. Est-ce que tu poses une question ici? Ben non. Hein? C'est pour ça que tu dis, à ce moment-là, quand tu réponds, tu dis ajal. Quand quelqu'un te dit anta sawfa tadhhabu, tu vas partir, tu dis, tu réponds par ajal. Hein? Pourquoi? Parce que tu fais ce qu'on appelle un tasdiq al-khabar. Yani, tu confirmes, tu corrobores l'information. D'accord? Et si maintenant tu dis atadhabu, vous voyez la différence maintenant? Atadhabu, qui veut dire? Est-ce que tu pars? Hein? Atadhabu, est-ce que tu pars? Eh bien, à ce moment-là, le shir dit, c'est mieux de répondre par Naam. Naam. Hein? D'accord? Donc, quoi, pour résumer, on va résumer ça après, je termine d'abord de lire. Il dit donc, si tu dis atadhabu, pars-tu? Ou bien, est-ce que tu pars? Tu dis Naam. Et c'est à ce moment-là mieux que Ajal, d'accord? Et Ajal, c'est pour corroborer une information dont quelqu'un t'informe. Tandis que Na'am, c'est répondre à une interrogation par une parole dans laquelle il n'y a aucune négation. Na'am. Je répète la dernière parce qu'en fait, quand on lit ça, on peut prendre ça en termes de résumé, en guise de résumé. De quoi? Ajal, c'est pour corroborer une information hein, dont quelqu'un t'informe, d'accord? Sauf tadhabu, anta sauf tadhabu, il te dit tu vas partir dans le futur. Hein? Tu dis ajal. Hein? Tu confirmes na'am, ajal. Hein? C'est mieux que dire na'am. D'accord? Tandis que si tu dis atadhabu, est-ce que tu pars? C'est quoi le mieux à ce moment-là de dire? Tu réponds à l'interrogation par na'am. D'accord? Donc ajal, c'est pour corroborer une information dont quelqu'un t'informe. Et tandis que na'am, c'est répondre à une interrogation par une parole dans laquelle il n'y a aucune négation. La jahda fih, comme il a dit Cheikh Al-Ethiopie, rahimahullah. Tu dis, as-tu prié? Hal sallait? Qu'est-ce que vous répondez maintenant? T'es sûr? Explique. Parce que t'as dit autre chose au début. Hein? Ça, on rentre pas là-dedans. Non. Hein? Alors? Parce que c'est une interrogation tout seulement, donc c'est mieux de répondre par Naam, hal sallit, Naam. Hein? Le fait que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant assis est complète, comme s'il était debout, fait partie de ses spécificités, des choses qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté par l'imam Shafi'i rahimahullah. Alors, pour ceux qui veulent plus de détails, par rapport à cette mas'ala-là, c'est le fait que c'est la généralité, elle n'est pas faite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de cette généralité et que ça rentre dans une de ses spécificités alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que sa prière nafila quand il est assis est complète au niveau du hajr. Je vous donne une référence, hein? Et bien, c'est l'explication de Cheikh Al-Ethiopie, hein? de Sunan Nasa'i, volume 17-18, page 393, 393 à 396, c'est-à-dire 396. Hein? Je close cette parenthèse. C'est important de prendre des fawaïd dans la langue arabe comme ça. Donc maintenant, vous savez, quand quelqu'un vous dit quelque chose que vous voulez corroborer, qu'est-ce que vous dites ajal. Hein? Et quand on vous pose une question, vous dites na'am. Hein? C'est une belle langue arabe, masha'Allah. Et quand on rentre comme ça dans le tafsil, c'est bien. Inch'Allah, on sait ce qu'on dit, pourquoi on le dit. Hein? T'as pas l'air convaincu. Si. D'accord, donc on rentre maintenant dans le deuxième point. Al-mas'alatu thaniya. Al-mas'alatu thaniya. أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا صلى متربعا جلسة المتربع أن يجلس على وركيه ويثني ركبتيه وساقيه فيجعل قدمه اليمنى عند ساقه اليسرى والقدم اليسرى عند ساقه اليمنى والجلوس على هذه الصفة عند الصلاة قاعدا سنة مستحبة وهو أفضل الصفات لثبوته بالنص من فعله عليه الصلاة والسلام ويجوز الجلوس على صفة الافتراش فإن الجلوس متربعا عند العلماء على الاستحباب وليس الوجوب et Cheikh va expliquer ça après Inch'Allah. On va d'abord traduire ça. Et Cheikh nous dit, deuxième point, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié en tailleur, comme on a dit en arabe, mutarabbi'an. Hein? Ce qu'on appelle jalsat al-mutarabbi', c'est-à-dire la position de celui qui est assis en tailleur. Alors, la position de celui qui s'assoit en tailleur, Cheikh, il explique qu'il dit, c'est le fait de s'asseoir sur ses deux hanches, hein, c'est-à-dire ce qui est littéralement au-dessus des cuisses, hein, et de replier les genoux, hein, de replier les genoux et les tibias, hein, le sarc, c'est cette partie-là du corps, évidemment pour les gens qui sont sur Internet, ils vont avoir un peu difficile à visualiser, hein, c'est cette partie-là, le tibia, d'accord, de replier les genoux et les tibias, et Cheikh explique cela, et il dit, mettre le pied droit contre le tibia gauche, hein, et le pied gauche contre le tibia droit, hein, naam. Et je pense que pour les gens qui sont sur Internet, ça leur suffira, Inch'Allah, de se référer à la position du en tailleur, comme c'est rapporté dans la langue française, à la kulli hal. Elle dit, le shir s'asseoir de cette manière lors de la prière en position assise est ce qu'on appelle une sunnah mustahabba, préférable. Et c'est la meilleure des manières, en raison du texte qui établit cela par l'action du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Shir continue, il dit... ويجوز الجلوس على صفة الافتراش. الافتراش c'est quelque chose normalement, c'est une notion que vous devriez déjà connaître dans la sala. Hein? Qui sait me dire c'est quoi l'iftirash? Je vous le dis, je vous donnerai après, je vous donnerai une référence dans le livre que vous avez là en français après, inshallah, pour vous faciliter. Mais c'est quoi l'iftirash? C'est quelque chose que normalement vous faites dans chaque prière. À quel endroit? Qui sait me dire c'est quoi? Et on va voir qu'il y a différentes manières de s'asseoir dans la prière d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle l'iqa'a. Attention, pas confondre avec l'iqa'a qui est interdit. L'iqa'a interdit, c'est s'asseoir comme le chien. Tandis que l'iqa'a qui est une sunna, c'est quoi? Barakallah, fait que c'est s'asseoir sur ses deux talons alors que les pieds sont tous les deux en position verticale. D'accord? Hein, ça, c'est une sunna. Entre les deux sujoud. Hein, et ce n'est pas autorisé pour le tashahoud. Tandis que l'iftirash, c'est laquelle l'iftirash? Ça, c'est le tawarruk. Ça, c'est le tawarruk, ça. Il y a plusieurs manières de faire le tawarruk, d'ailleurs, qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Je vais vous donner une référence à la fin, mais on verra dans les prochains cours, hein, à la fin des cours, inshallah, quand on arrivera, si on arrive là, si on est encore vivant, inshallah, dans le dernier tashahoud. Alors, c'est quoi l'iftirash? L'iftirash, c'est celle que vous faites, ben, c'est l'autre que vous faites à la place de l'iqa'a, entre les deux prosternations, ou pour le tashahoud. Hein? C'est-à-dire quoi? Hein? De mettre... Hein, on va le voir après, Inch'Allah, à la kulli hal. C'est important de retenir les mots arabes. L'iftirash, hein, al-tawarruk, al-iqa'a, et de savoir la différence entre eux. Et donc, Cheikh, il dit, hafidahullah ta'ala, wa yajouzu al-julous ala sifat al-iftirash, fa inna al-julous a mutarabbi'an inna ulama ala l'istihbab wa laysa al-wujub. Wa wujud thalik anna fi hadith, anahu fi hadith Imran, hein, قال صلى الله عليه وسلم ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم فأطلق القعود ولو كان المشروع صفة معينة للقعود لبينها عليه الصلاة والسلام إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال ابن حجر رحمه الله عند شرحه لحديث عمران في فتح الباري فائدة لم يبين عليه الصلاة والسلام كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي. Donc Cheikh Bazmoul, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au fait ici de s'asseoir dans la prière? Il dit, hein, il est permis de s'asseoir en ce qu'on appelle la position d'al-iftirash. Car la position en tailleur est chez les savants préférable et pas obligatoire. Hein? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est quoi la meilleure des positions? Hein? En tailleur, en arabe, mutarabbi'an. Et l'autre qui est permise aussi, c'est l'iftirash. Hein? D'accord? Et l'iftirash, hein? Pour les gens qui sont sur Internet, ils ont peut-être difficile, je vais le faire devant vous, Inch'Allah, maintenant, mais c'est le fait de s'asseoir muftarishan ou en iftirash, c'est le fait de s'asseoir sur son pied gauche, posé à plat contre le sol, et le pied droit d'être tenu verticalement par rapport au sol. Les orteils dirigés vers la qibla. Hein? Donc je le fais pour vous ici. C'est ça l'iftirash. D'accord? C'est une position que vous connaissez normalement dans la prière déjà. Hein? Donc je répète pour les gens qui sont sur Internet qui ont difficile, pour les sœurs qui sont de l'autre côté ici qui ne peuvent pas voir, c'est le fait de s'asseoir, l'iftirash, je répète, c'est le fait de s'asseoir sur son pied gauche, posé à plat. Donc le pied gauche est posé à plat, contre le sol. Le pied droit doit être tenu verticalement par rapport au sol, les orteils dirigés vers la Qibla. Hein? Et pour les aider, Inch'Allah, je leur donne une référence. Regardez la traduction de Maktabat al-Ma'arif, celle que tu as ici, là, hein, traduite par Yaqub Lennon, et c'est page 147. Vous trouverez ce texte-là en français, Inch'Allah. Tandis qu'à l'Iqa'a, et je parle de l'Iqa'a qui est autorisé, hein, entre les deux prosternations, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit par rapport au fait de prier assis, attention. C'est juste pour vous rapporter les différentes manières de s'asseoir. L'Iqa'a qui est autorisé entre les deux prosternations, hein, c'est de s'asseoir sur les talons et les plantes des pieds, comment ? Redressés. C'est-à-dire quoi ? Comme ceci. Donc ça, c'est une sunna quand ? Entre les deux soujoud. D'accord ? Hein ? Et il y a une troisième position qui est rapportée dans la prière, je parle, et qui est que pour le dernier tashahoud, hein, c'est laquelle ? At-tawarruk, na'am. Hein ? Pour les frères qui ont le livre en arabe ici de Cheikh Bazmoul, ils peuvent voir le tawarruk, page 306. À la kulli hal, on revient à ce qu'on disait. Et ceci est compris par le hadith de Imran ibn al-Hussein radiallahu anhu qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de celui qui prie assis est de moitié, en récompense, c'est ce qu'il faut comprendre ici, de celui qui prie debout. La position assise ici, elle n'a pas été ce qu'on appelle comment en arabe ? Elle est mutlaqa. Hein ? Atlaqa al-qawl, comme l'a dit le shir. C'est-à-dire quoi ? Qu'elle n'a pas été conditionnée. Hein ? D'accord ? Et si une position particulière avait été légiférée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'aurait mise en évidence, il l'aurait montré, bilashak, clarifié. Hein ? Car selon la règle connue et importante, il n'est pas permis, et c'est vraiment une traduction approximative, hein, la yajuz ta'khiru al-bayan an waqt al-haja, hein, c'est une règle très très importante ça, il n'est pas permis de retarder, comme salam, la mise au point du temps où cela est nécessaire. Quand une chose est nécessaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas quoi, retarder ça, il va directement faire ce qu'on appelle le bayan, il va directement mettre en évidence, clarifier la situation, d'accord ? Et comme j'ai dit, c'est une traduction approximative de la règle. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y avait s'il y avait une manière précise de s'asseoir, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait expliqué. Donc on peut s'asseoir en ce qu'on appelait, comme on a dit, mutarabbi'an, et c'est ce qui est préférable, et on peut également s'asseoir muftarishan. Hein? Ibn Hajar, rahimahullah, quand lui fasse miséricorde, a dit dans son explication du hadith d'Imran, numéro 1115, dans Fath al-Bari, donc pour ceux qui veulent avoir plus de détails, fa'ida, bénéfice tiré du hadith, il n'a pas montré la manière de s'asseoir. On comprend de cela, c'est-à-dire que la position assise n'a pas été conditionnée. Hein? Al-Qu'oud est ce qu'on appelle mutlaq absolu. L'autorisation de s'asseoir comme le veut celui qui prie assis. D'accord? Quand tu pries assis, c'est-à-dire que tu peux t'asseoir comme tu le veux. D'accord? Et Cheikh Bazmoul, il continue, il dit ensuite... قلت الجلوس متوركا منهي عنه الا في التشهد الثاني عن انس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا نهى عن الاقعاء والتورك في الصلاه اخرج احمد في المسند وصححه الالباني في سلسله الاحاديث الصحيحه رحمه الله تعالى والافتراش مشروع في جميع جلسات الصلاه عن ابي الجوزاء عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه في الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينسب رجله اليمنى. هذا حديث كي تغبخته par مسلم. Inch'Allah, on va faire vite sa traduction maintenant, Inch'Allah, comme ça on termine ce point-là. Et donc, Cheikh Bazmoul, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, la position à tawarruk, hein, a été interdite, sauf dans le deuxième tashahoud. Hein, et vous voyez comment les ulama, ils font ce qu'on appelle quoi ? Al-jam'a bayna nusus shar'iyya, c'est-à-dire qu'ils regroupent les différents hadiths. Parce qu'il y a le hadith, il est clair, comme on va le voir ici, c'est que le prophète, il a interdit tawarruk et l'iqa'a. Et on voit dans d'autres hadiths, que le prophète, il a fait le tawarruk. Comment est-ce qu'on comprend ça ? c'est que c'est interdit sauf à un certain endroit de la prière. D'accord ? Donc je répète ce que dit Cheikh Bezmoul ici, il dit la position en tawarruk a été interdite sauf, vous voyez, hein, sauf dans le deuxième tashahhud. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-iqa'a et al-tawarruk dans la prière. Al-iqa'a, c'est celui que j'ai parlé tout à l'heure, hein, celui qui est interdit, pas celui que j'ai montré qui est une sunna. Et le hadith l'a rapporté par Ahmed dans son musnad et a été authentifié par Cheikh al-Albani dans Silsilat al-Hadith Sahiha, hadith numéro 1670. Et al-iftirash, la position que je vous ai montrée il y a quelques instants, al-iftirash, cette position-là est légiférée dans toutes les positions assises dans la prière. D'accord ? Comme dans le hadith, hein, de Aïcha, radiallahu anha, dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait al-iftiraj. Je l'ai résumé pour vous. Hein. Ce qui indique que l'iftiraj est la position assise dans toutes les positions assises de la prière. Puis, Cheikh Bezmoul cite ensuite le hadith qui prouve que la position de tawarruk, hein, lors du dirin tashahhud, sort de la généralité de l'interdiction dans la prière, et c'est le hadith de Abu Humayd al-Sa'idi. D'accord ? Donc je répète juste les références pour l'iftirash, al-iqa'a, hein, en langue française dans la traduction que tu as ici là, de Maktab al-Ma'arif. Donc pour les frères qui veulent savoir c'est quoi l'iftirash exactement en langue française, qui revient à la traduction de Yaqub Lenin de Maktab al-Ma'arif, page 147. Et concernant al-iqa'a qui est autorisé entre les deux prosternations, eh bien voir la traduction de Yaqub Lenin également, Maktab al-Ma'arif également, page 142. Pour en ce qui concerne les différentes positions de tawarruk, inshallah, on les verra plus tard, hein, dans le cours au chapitre qui concerne justement le dernier tashahhud. Et pour ceux qui veulent déjà voir qu'on a la langue arabe, page 306 du livre de Cheikh Bezmoul. Et on termine là-dessus. Wallahu alam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan. Et demain, on avait dit qu'il n'y avait pas cours pour Usul Talata de Cheikh Abou El-Jabiri, parce qu'il y avait un cours en direct avec Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah. On m'a dit maintenant que, on m'a fait savoir que ça a été annulé. Donc si ça a été annulé, on a cours. À la kulli hal, dans les deux cas, moi je conseille de venir de toute façon. Hein? Donc normalement, s'il y a cours de Cheikh Zayd, évidemment, on ne donnera pas cours. Et s'il n'y a pas cours, eh bien, on aura notre cours de Usul Talata qu'on n'a plus eu d'ailleurs depuis très longtemps. Wa jazakumullahu khairan.